le mardi 10 janvier, ici Dominique Lelièvre et les informations. Le Carnaval de Québec poursuit son virage pour reconquérir les jeunes adultes et les familles. Le festival entend miser cette année sur la thématique du bûcheron et sur une programmation éclatée. Chacun des cinq sites qui sont situés au cœur du Vieux-Québec présenteront une saveur particulière de la famille au sport, en passant par la gastronomie. Le festival Comédia a de son côté confirmé qu'il présenterait un volet hivernal. Des spectacles d'humour investiront donc le quartier du Petit-Champlain pendant le carnaval qui se déroule, rappelons-le, du 27 janvier au 12 février prochain. Le maire de Québec, Régis Labeaume, réitère son appui au projet d'agrandissement du port de Québec. Il participait ce matin à la traditionnelle cérémonie de la canne aux pommeaux d'or qui marque chaque année l'arrivée du premier bateau au port de Québec. Le maire a estimé que le fleuve était encore sous-utilisé et puis qu'il présentait de belles opportunités de développement économique. Le président directeur général du port de Québec a pour sa part dressé le bilan de la dernière année. Le port a renoué avec la croissance grâce à une augmentation de 15% du transport de marchandises. Il s'attend également à une année record en 2017 sur le plan des croisières, alors que 200 000 visiteurs sont attendus. L'animatrice Andréanne Sasseville est décédée lundi matin des suites d'un cancer. La jeune personnalité des médias combattait depuis plus de 2 ans un cancer du sein. Dans une entrevue touchante l'été dernier, elle avait dit croire encore en ses chances malgré les sombres pronostics. Enfin, à Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau procédera aujourd'hui à 14h à un important remaniement ministériel. Selon Radio-Canada, le tiers des ministres seraient touchés, dont le ministre des Affaires étrangères Stéphane Dion, qui se verrait proposer de nouvelles fonctions diplomatiques. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. L'avertissement de smog est terminé pour Québec, mais celui de tempête hivernale demeure. Il fera moins 7 degrés cet après-midi et de la neige va débuter tard en après-midi. Neige parfois forte qui va se changer en pluie en fin de nuit. Accumulation de 15 à 25 cm de neige. Demain, ce sera venteux, ce qui pourrait provoquer, et ce soir également d'ailleurs, ce qui devrait provoquer de la poudrerie. Demain, la pluie cesse en matinée, va faire 3 degrés. 3 degrés également jeudi avec de la neige ou de la pluie. Présentement à Québec, on a moins 9 degrés, moins 16 avec le refroidissement éolien.